Se kriye wap kriye, se pleve wap pleve. Why, ay, ay. Se kriye wap kriye, se pleve wap pleve. Why, ay, ay. Se kriye wap kriye, se pleve wap pleve. Why, ay, ay. Se kriye wap kriye, se pleve wap pleve. Why, ay, ay. Nambwe, nambwe, nambwe, nambwe, fumele numele. Nambwe, nambwe, nambwe, nambwe, se chambe bu chambe magwe. Mandez ta tienne en Angleterre, comment j'ai fait? Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Mandez Simon à l'hexagone, go matador. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Mandez Gilotte, la vieille pilote, c'est sans chilotte. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Mandez maison à Port de France, c'est grand maison. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Mandez Nini à Saint-Marie, c'est pas Vini. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Mandez Lucette à la Guadeloupe, c'est gros sucette. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça qu'a chauffé. Bagaille la chose, ça c'est piment, ça